Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la mort après le crash de son avion à Ndola en Rhodésie du Nord le 18 septembre 1961 de Dag Hammarskjöld, dit Monsieur H, secrétaire général de l'ONU. Cette énigme a plus de 50 ans d'âge et pourtant elle n'est pas d'un autre temps. La preuve, en 2016, sous la pression de Stockholm, l'ONU a décidé de rouvrir le dossier. Le 27 décembre dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une nouvelle résolution prolongeant l'enquête internationale jusqu'en 2021. Car cette mort est un mystère qui hante bon nombre de chancelleries, dont les archives, encore tenues secrètes, gardent une partie de la vérité recherchée. On le surnommait Monsieur H, tant son patronyme suédois était impossible à dire, ou plutôt à écrire. Et ce n'est pas n'importe qui. Dag Hammarskjöld a été l'une des figures de l'Organisation des Nations Unies, la même révolutionnée. Évoquer la fin tragique de cet homme, c'est raconter l'Afrique des années 60, des mouvements de libération, des coups d'État, assassinats, qui en disent beaucoup sur l'ingérence des puissances étrangères et ses mercenaires barbouzes sur le continent africain. C'est aussi laisser la parole aux témoins, hommes politiques, historiens, documentaristes, enfin tous ces enquêteurs du passé qui se sont relayés pour percer le mystère. Parmi eux, un journaliste français, Morin Picard, auteur d'un livre enquête passionnant intitulé « Ils ont tué Monsieur H », publié au Seuil. Il est notre invité aujourd'hui, en direct de l'ONU à New York. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Kayen Guyenne. Avril 1953, Organisation des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, prête serment. Moi, Dag Hammarskjöld, jure solennellement d'exercer avec fidélité, discrétion et conscience les fonctions de secrétaire général de l'ONU qui me sont confiées, de remplir ces fonctions et régler ma conduite dans le seul intérêt de l'ONU, et de ne demander ni accepter dans l'exécution de ma charge aucune instruction d'une autorité autre que celle de l'organisation. L'ONU n'a pas encore 10 ans quand Hammarskjöld en devient le secrétaire général, deuxième du nom. Fils de Premier ministre, agrégé d'économie politique, secrétaire puis président du conseil d'administration de la Banque nationale, Monsieur H est devenu diplomate sur le tard. Célibataire, il aime les longues courses à pied, la poésie. On le dit froid, gentleman, timide et possédant un humour sardonique. Cette image qu'il trimballe depuis son départ de Suède semble lui coller à la peau, même à New York. Selon les confidences de certains diplomates des chancelleries de pays membres du Conseil de sécurité, dont des Français, il fallait pour l'organisation, je les cite, « un fonctionnaire sans histoire, un employé de bureau plus secrétaire que général ». Oui, sauf que Monsieur H saura tout le contraire. Dès sa prise de fonction, il réforme le secrétariat général de l'ONU en profondeur. Objectif, assurer l'indépendance de ses fonctionnaires internationaux. Pour cela, il crée des sous-secrétariats ainsi que de nouveaux services. Et puis, nouveauté, il refuse de limiter son action au 58e étage de la tour de l'ONU. Lors d'une conférence de presse, l'une de ses premières, un journaliste lui pose cette question. « Pensez-vous aller à Moscou ?» Monsieur H lui répond « Je porte avec moi le désir perpétuellement insatisfait de faire le tour du monde. » Message reçu. Le second conflit mondial a fait naître un nouveau monde, celui de la guerre froide et des guerres d'indépendance. Des empires chutent, d'autres s'érigent. Sur chaque continent, de nouveaux conflits menacent la paix. C'était pourtant pour éviter cela que l'ONU avait été créée. Dans les premières lignes de sa charte, signée en 1945, on peut lire « Peuple des Nations Unies, résolu à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. » Dag Hammarskjöld ne l'oubliera pas. Et son ambition est claire. Il veut faire de l'ONU un acteur à part entière de l'échiquier planétaire. Et c'est ce qu'il fait durant des années. D'ailleurs, si vous vous plongez dans un conflit des années 50, à un moment ou un autre, vous verrez l'ombre du secrétaire général de l'ONU. C'est bien simple. Durant toutes ces années, H est partout. En Israël, en Palestine, en Inde, en Jordanie, au Liban, en Égypte. Son rôle est déterminant lors des événements de Suez, par exemple. En juillet 56, Nasser annonce la nationalisation du canal. Anglais et Français ne l'entendent pas de cette oreille et envoient des soldats. H s'y précipite, obtient un cessez-le-feu et le départ des deux puissances européennes. L'affaire du canal de Suez marque ainsi la fin des illusions coloniales de Paris et de Londres, mais aussi le nouveau rôle de M. H. La diplomatie est une guerre d'influence. Durant toutes ces années, l'ONU gagne en puissance. Des PIE en perdent. En septembre 1957, Dagmar Scholl est réélu. C'est durant ce second mandat que le Congo, ancienne puissance coloniale belge, fait la une. Tout commence en juillet 60. Le 11, soit 11 jours après la proclamation de la République du Congo, Moïse Tshombe, un fils d'homme d'affaires, annonce à la radio l'indépendance du Katanga. Devant les menaces, le gouvernement katangais a décidé de proclamer l'indépendance du Katanga. Le gouvernement du Katanga demande à la Belgique de s'unir avec les Katanga en une étroite communauté économique. Si la Belgique s'est refusée, les Katanga font appel au monde libre tout entier et demandent à tous de lui reconnaître le droit qui est celui de tout son peuple de disposer de lui-même. Que Dieu protège les Katanga indépendants. La Belgique ne reconnaîtra jamais le Katanga, officiellement. En ces temps de décolonisation, la diplomatie de certains pays ressemble à des tiroirs à double, voire triple fond. Situé au fond du Congo, le Katanga est la région la plus riche de la jeune République congolaise. Son sous-sol produit à lui seul 10% du cuivre mondial, d'uranium ainsi que de manganèse. L'exploitation de ces matières premières est à la charge de l'Union minière du Haut-Katanga, un groupe industriel dont la majorité des capitaux sont belges. C'est cette union qui finance et qui arme les séparatistes dirigés de Moïse Tshombe. Dès l'annonce de la sécession, des combats éclatent et le Congo est coupé en deux. Qui trouve-t-on sous l'uniforme des combattants katangais? Des locaux, bien sûr, mais aussi beaucoup d'étrangers. Durant l'année 61, le Katanga devient terre de soldats blancs, troupes résiduelles d'empires déchus devenus mercenaires. Parmi ces affreux, comme on les appelle alors, beaucoup de Français, d'anciens militaires décorés, dont les heures de gloire se résument souvent à des défaites en Indochine et en Algérie. Mais pourquoi débarque-t-il au Katanga? Pour l'argent, bien sûr. Pour l'aventure aussi, oui, pour être avec leurs frères d'armes, car pour certains, une vie loin du front et des combats n'est plus une vie. En face, se tient une République congolaise fragile, une armée balbutiante, des alliés absents. Seul Monsieur H s'inquiète du sort du Congo. Dès juillet 1960, une résolution du Conseil de sécurité est votée. Dans la foulée, les premiers régiments de casques bleus débarquent. Mais rien n'y fait, la tension augmente, les morts aussi. Dans cette partie de poker menteur, Léopold Wild perd à chaque tour de table. En janvier 61, l'ancien premier ministre et héros de l'indépendance, Patrice Lumumba, est livré au Katanga. Le 17 février, sa mort est annoncée. Le Congo sombre un peu plus dans le chaos. Dans la foulée de la mort de Lumumba, le 21 février 61, Dagmar Scholl fait voter une nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui exige un cessez-le-feu et autorise les casques bleus à recourir, en dernier recours, à la force. La cible de l'ONU est à peine voilée. Monsieur H veut mettre aux arrêts l'ingérence étrangère qui mine la région. Dans son viseur, la Belgique, évidemment. L'ancienne puissance coloniale joue un double jeu. Par les mots, elle soutient la République. Dans les faits, elle protège ses intérêts financiers situés au Katanga. Les Anglais également sont surveillés. La couronne britannique est présente en Rhodésie du Nord, un pays frontalier du Congo et du Katanga. Quant aux Français, ils ne sont jamais loin des canons quand ils tonnent en Afrique, notamment depuis que Pierre Messmer est à la tête des armées françaises. Qu'importe, Monsieur H en a assez. Alors, le 28 août 61, l'ONU lance l'opération Rum Punch sur la capitale katangaise, Elizabethville. Dès 5h du matin, les troupes des Nations Unies occupent ainsi l'aéroport et prennent le contrôle du central téléphonique de la ville. Tous les officiers volontaires étrangers présents sont arrêtés et mis aux arrêts. Selon les informations diffusées dans la presse, le Katanga est sous contrôle. En réalité, la situation est bien plus complexe. Tshombe, le président sécessionniste, a pris la fuite. Si la capitale est cernée, dans les autres villes, les combats s'intensifient. Et les casques bleus peinent, reculent, appellent même parfois à l'aide, comme à Shadowville. De New York, Dagmar Marshall refuse de voir le fiasco qui prend forme. À l'ambassadeur suédois, il confie « Vous savez, si tout fonctionne comme prévu, nous pourrions avoir une décente assemblée générale. » Celle-ci est prévue le 19 septembre. Monsieur H quitte New York le 12, direction Leopoldville, capitale du Congo. Le lendemain, le jour de son arrivée, on apprend sur les ondes de Paris Inter le lancement d'une nouvelle opération éclair des troupes de l'ONU. Affaires internationales. Jean Lacour. La sécession katangaise est terminée. Le Katanga est désormais une province congolaise dirigée par le gouvernement central de Léopoldville. C'est en ces termes que M. O'Brien, représentant des Nations Unies à Elisabethville, a commenté les événements au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue en fin de matinée. Il semble, en effet, ce soir, bien que les liaisons directes entre le Katanga et le reste du monde soient toujours coupées, que les casques bleus aient la situation bien en main. Cette action, les forces des Nations Unies l'ont entreprise pour prévenir une attaque des forces du gouvernement central dans le nord Katanga, attaque qui aurait certainement dégénéré en une longue guerre civile. Mais nous n'avons eu que des dépêches tout de même laconiques. Les journalistes de Paris Inter ont raison de se méfier des communiqués de l'ONU. Cette opération du 13 septembre a été décidée à la hâte, sans l'accord du secrétaire général. Pire, quand Dagmar Marshall atterrit à Leopoldville, on l'informe que la situation n'est plus sous contrôle au Katanga. Les troupes onusiennes sont bousculées, même à Elisabethville. La tension est telle que des exactions et des crimes de guerre auraient été commis par les forces de l'ONU. Vouloir la paix par les armes est une solution risquée. Malgré la déroute morale, militaire et politique de l'action de l'ONU, M. H refuse de quitter le pays et d'abandonner ses hommes. Certes, le Katanga résiste avec force, mais combien de temps Tshombe peut-il tenir? Car on ne tient pas une région avec des mercenaires, non. Et M. H le sait. La diplomatie peut encore sauver le Congo d'une guerre civile, ainsi que son second mandat à la tête du secrétariat général de l'ONU, soit dit au passage. Dès le 13 septembre, M. H rencontre les Britanniques. Il contacte les Belges. Tshombe est retrouvé et convaincu de venir discuter d'un cessez-le-feu. Une date est fixée, ce sera le 17 septembre. Pour le lieu, il fallait une terre neutre, loin des combats. La ville de Ndola, en Rhodésie du Nord, sous influence britannique, est choisie. Pour s'y rendre, on imagine une route par les airs qui évite les zones de combat. Car depuis des semaines, une menace plane. Un fougueux magistère aux couleurs katangaises cause de sérieux dégâts aux forces onusiennes. Aux commandes de ce jet de combat, un pilote mercenaire belge. La menace est si forte que le 15 septembre, Dagmar Marshall envoie un télégramme à Paul Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères belge. Le ton est cordial, oui, mais ferme. Excellence, je tiens à vous faire part d'un renseignement que je viens d'obtenir d'une source sûre, selon lequel l'avion militaire à réaction Kia à plusieurs reprises, attaquer les forces des Nations Unies et d'autres objectifs au Katanga était piloté par un nommé Van Rissemghem. Comme nous avons haute confiance dans cette information, je vous serai reconnaissant pour toute mesure utile que vous pourriez prendre pour mettre fin à ces agissements criminels. Le 17 septembre, à 16h51, le DC-6 Albertina du secrétaire général des Nations Unies décolle de Léopoldville. Direction Ndola. Pour éviter les mauvaises rencontres, une partie du voyage est prévue de nuit. Jusqu'à la dernière minute, la destination de cette rencontre entre Dagmar Marshall et Moïse Tshombe devait être tenue secrète. Sauf que, depuis des semaines, rien ne se passe comme prévu au Congo. Une heure à peine après le départ de M. H, toutes les agences de presse annoncent l'arrivée prochaine du secrétaire général de l'ONU à Ndola. L'information est si largement diffusée que des centaines de personnes rejoignent l'aéroport afin d'assister à l'événement. Le premier invité de cette rencontre sous haute tension, c'est Tshombe. Il atterrit à 17h, accompagné de deux de ses ministres, ainsi que des diplomates anglais qui ont joué des intermédiaires. L'avion de M. H, lui, est attendu dans la nuit. 22h35, le DC-6 Albertina est en contact avec le contrôle aérien à Salisbury. 23h32, Ndola prend le relais. Ciel clair, sans nuages, vent 7 nœuds, visibilité excellente, 5 à 10 000. Minuit 10, dernier échange sur la pression barométrique. Minuit 12, le contact est rompu, l'avion a disparu des écrans radars. Malgré ce silence, les officiels de l'aéroport de Ndola ne paniquent pas. À 3h10 du matin, on éteint les lumières de la piste. Étrange. Le 18 septembre, peu avant 10h, l'ordre est enfin donné de survoler la zone afin de retrouver l'avion du VIP, nom de code pour parler du secrétaire général de l'ONU. 5h plus tard, dans un bois de jeunes acacias, à 10 km de l'aéroport de Ndola, l'un des avions voit une brèche de plus de 200 mètres de long et 150 mètres de large. En survolant la zone, il repère les restes du quadrimoteur. Au sol, les sauveteurs recherchent parmi les 16 corps celui du secrétaire général. Et ils le retrouvent, sans vie, hors des zones enflammées. Son visage, comme ses vêtements, sont presque intacts. Au poignet droit, il porte une gourmette d'argent. Au poignet gauche, les aiguilles de sa montre se sont arrêtées à 0h25. Est-il mort sur le coup ? Sans doute pas, car ses membres sont encore souples. Toujours est-il que l'ONU vient de perdre son patron, son incarnation. L'annonce fait le tour du monde. Inter, actualité. Impressionnant, lugubre. 99 drapeaux en berne au fronton du siège des Nations Unies à New York. Ce qui n'était à midi qu'une rumeur, une crainte, déjà solide, il est vrai, c'était une demi-certitude. Ce qui n'était pourtant qu'une éventualité est devenu réalité. Dag Hammarskjöld est mort. Le secrétaire général des Nations Unies a trouvé cette mort de la manière la plus tragique, en pleine nuit, quelque part au-dessus de la forêt tropicale, entre le Katanga et la Rhodésie du Nord. Là où Monsieur H devait en principe rencontrer le président katangais Monsieur Tshombe, que les débris de son appareil ont été retrouvés. Accident, attaque, attentat, nous allons essayer d'y voir plus clair et ce n'est pas très facile. Ce qui est certain, c'est que l'interminable drame congolais et ses multiples péripéties, la dernière n'avait pas spécialement donné bonne presse à Monsieur H, vous le savez, ce qui est certain, c'est que le Congo a finalement tué le secrétaire général de l'ONU. Au lendemain de la découverte du corps de Dag Hammarskjöld, Bjørn Egge, le patron de la direction du renseignement militaire de l'ONU au Congo, rejoint Ndola. Le lieutenant-colonel norvégien a reçu mission de s'occuper des corps des victimes, dont celui de Monsieur H. À l'ouverture du sac mortuaire, Egge remarque dans le col de la chemise du défunt une carte de jeu, un as de pique. Qui a bien pu placer une carte ici ? Mystère. En 2005, un journaliste interroge de nouveau Bjørn Egge sur cette journée. Egge évoque un autre détail troublant sur le corps de Monsieur H. Il n'était pas brûlé comme les autres victimes, mais il avait un trou dans le front. Alors, tué par balle ? Mais par qui ? A-t-il exécuté après le crash ? Un homme aurait pu, peut-être, répondre à ces questions. Un certain Harold Julien. Il est le seul membre du DC-6, Albertina, qu'on a retrouvé encore en vie dans les débris de l'avion. À son arrivée à l'hôpital de Ndola, son état est critique. Corps brûlé à 40%, crâne fracturé, cheville droite brisée. Malgré tout, l'officier de sécurité américain se bat, et il parle même. Auprès du personnel hospitalier, il évoque ainsi une explosion, oui, des étincelles dans le ciel. Il n'en dira pas plus. Le 23 septembre, alors que son état semblait s'améliorer, Harold Julien meurt d'une insuffisance rénale. 5 jours plus tard, Dag Hammarskjöld est enterré chez lui, en Suède. Parmi les invités de ses funérailles nationales, une question brûle les lèvres. La mort du secrétaire général de l'ONU. Accident ou assassinat ? Congo, Congo ndemboka, mboka ngomo kengeli. Koi, mboka ngomo kengeli, léopard. Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Congo ekoki. To fungwani misolelo, to moni bozo banyo soto sali. Boya kobongisa Congo aveni, e bongito sala e bongito sala motonyo so ata mwana kongo ya mosolo mpembe ya nzoku kongo ya bwanya kasa ya mbila kongo ya makasi moto ya nkoi Kana mosolo ya mboka Kongo ekoki Tofungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongisa Kongo aveni ebongito sala Montonyo sota mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo, Kongo ne mboka, Kongo, mboka ya bankoko. Kongo, mboka mwana pamba, lobi, mboko lula yango. Que s'est-il passé dans la nuit du 17 au 18 septembre 1961 dans le ciel de Rhodésie aux abords de la bourgade de Ndola? Pourquoi le DC-6 Albertina, avec à son bord le secrétaire général de l'ONU, s'est-il crashé? Entre 1961 et 1962, plusieurs enquêtes ont été menées par les autorités locales et par l'ONU. Toutes, oui, toutes évoquent l'erreur de pilotage, même si certains experts n'écartent pas totalement la thèse d'un attentat. En tout cas, plusieurs détails de l'enquête interpellent aujourd'hui encore. Parmi les personnes interrogées durant ces investigations, on retrouve un charbonnier de Chifubu, David Simango. Le soir du drame, dans le ciel près de Ndola, il a vu deux avions et une boule de feu lancée du petit avion vers le gros. Or, ce témoignage ne sera jamais pris au sérieux, notamment parce que M. Simango est noir. Et en Rhodésie, Rhodésie du Nord, la ségrégation est la règle. Pourtant, il n'est pas le seul témoin ce soir-là à avoir vu deux avions. Il y a aussi Kosten Chipoya. Auprès des enquêteurs suédois revenus sur les lieux, cet autre charbonnier évoque un grand avion qu'il a vu tourner dans les airs autour de minuit, pas très haut, à une altitude normale pour un avion qui va atterrir, dit-il. Et puis surtout, il jure avoir vu s'approcher un second appareil, un jet qui a ouvert le feu sur le premier avion. La suite, oh, Monsieur Chipoya ne la connaît pas, il a vite pris la fuite. Enfin, en 2003, pour son film « Vol de nuit vers la mort », la fin violente de Dagmarsholm, le réalisateur Hans Rüdiger Minow retrouve d'autres charbonniers, dont celui-ci. Quand l'avion arrivait, il venait très rapidement. Tout allait bien. Puis, il a fait demi-tour pour retourner à... C'est alors qu'on a vu le petit avion qui suivait et qui descendait sur lui. Et puis, on a vu qu'il lançait quelque chose d'enflammé, d'en haut sur l'autre avion. Sur le gros avion ? Oui, c'est ce que nous avons vu, et l'avion faisait demi-tour. Il n'avait plus la force de se déplacer et il est tombé. Les charbonniers n'étaient pas les seuls dans la zone du crash ce soir-là. Il y avait aussi Edwin Vren. Lui est blanc, sud-africain. Le journaliste français Morin Picard a retrouvé son témoignage sur un forum puis l'a contacté. Dans son livre, on apprend qu'en septembre 1961, Vren est attaché de relations publiques à la mine anglo-américaine du Bourg. Dans la nuit du 17 septembre 1961, il rentre chez lui à scooter après un match de rugby dans un bourg près de Ndola. Durant le trajet, il entend le bruit du crash. Curieux, il fait un détour pour voir. Des décennies plus tard, à Morin-Picard donc, Vren raconte ce qu'il a vu. Sur le fuselage de l'avion, il a distingué des impacts. Puis, il a vu des hommes en armes, des militaires, 6, 8. L'un d'eux l'a repéré. Il a alors braqué avec son pistolet mitrailleur et lui a demandé de foutre le camp. Bon, devant ce genre d'argument, Vren n'a pas demandé son reste. Le soldat parlait anglais avec un fort accent qui lui a rappelé son pays, l'Afrique du Sud. Vren avait 22 ans à l'époque. Il a préféré ne pas avoir d'histoire. Il a gardé le silence et il a continué sa vie. Alors, qui sont ces militaires? Des membres de l'armée rhodésienne? Des mercenaires du Katanga? Nous l'avons évoqué au début de ce récit. Ce qu'on appelle la guerre du Katanga pourrait avoir comme autre nom la guerre des mercenaires ou la guerre des mines, tant les richesses du territoire sont grandes. Durant des années, les anciens barbous de Katanga sont restés discrets sur leur action. Puis, avec le temps, les langues se délient. Ne pouvant plus se battre à cause de l'âge, ils parlent, pour se souvenir de leurs exploits, avec une certaine nostalgie d'ailleurs. Parmi eux, Roger Bracco. En 76, lors de l'émission de télé française Les Dossiers Noirs, la sécession du Katanga, l'ancien mercenaire évoque les moyens aériens des forces katangaises. Nous disposons de Deavilando, qui sont des appareils de liaison reconditionnés pour des missions d'appui tactique. On va aménager ces avions en petits bombardiers, avec bombes fabriquées sur place par une société locale. On va même en faire des chasseurs en installant dans la porte latérale donnant accès à la cabine des mitrailleuses lourdes. Quand il parle des moyens aériens mis à la disposition des mercenaires, Roger Bracco évoque le dornier d'eau. Un peu plus loin dans ce documentaire, Bracco évoque l'avion de combat de fabrication française, le Fuga Magister, qui a fait beaucoup parler de lui en 1961. Témoignage complété par celui d'un pilote de cet appareil. Tous deux reviennent sur les actions aériennes menées contre l'ONU durant le mois de septembre 61. Alors les opérations contre l'ONU dans un premier temps se feront uniquement par les Fuga Magister, basés à Kolwezi. Il y aura une opération très importante qui stoppera une colonne s'avançant d'Elisabethville vers Jadotville et Kolwezi. Ils avaient débarqué les troupes à une dizaine de kilomètres de Jadotville et leurs autobus étaient stationnés en bordure de route, là, bien en gros paquet, ce qui nous a permis d'en casser plusieurs. Le Fuga Magister va définitivement stopper cette colonne indienne. On faisait jusqu'à 6 missions sur une journée. C'est ce qui nous a permis de faire croire qu'il y avait plusieurs avions. Sur les aéroports, que ce soit Kamina ou Elisabethville, ce que nous cherchions surtout, c'était les avions qui transportaient des armes en provenance de Stan ou de Léopoldville. On cherchait à les empêcher de repartir pour diminuer leur trafic. Il va faire certaines attaques sur le Clermanoir occupé par l'état-major des Nations Unies, O'Brien, etc. Et on s'est dit pourquoi pas le quartier général de l'ONU et on y a été. Alors, est-ce que cet avion a pu intercepter le DC-6 Albertina de Monsieur H dans la nuit du 17 septembre? Car là est la vraie question. Évidemment, elle a été posée à Bracco et à ses frères d'armes. Mais à chaque fois, les anciens du Katanga utilisent le même mot, impossible. Le Fuga Magister était posté à Kolwezi, trop loin du crash. Ils évoquent ensuite les enquêtes réalisées à la suite du crash et parlent de l'accident aérien. L'une des théories qui en sort, c'est que le pilote, pourtant confirmé, aurait confondu le nom de l'aéroport. Oui, il aurait fait ses calculs par rapport à la situation de celui de Ndolo au Congo et non pas de Ndola en Rhodésie. Fantaisiste, me direz-vous, sans doute. Mais cette histoire a la peau dure. Reste cette question. Et si ce n'était pas le Fuga Magister, connu de tous, qui avait eu la charge de cette mission? L'un des dorniers d'eau reconditionnés en chasseur aurait pu, peut-être, se charger de prendre en chasse l'avion de Monsieur H. Et alors, souhaitait-il l'abattre ou juste le pousser à rebrousser chemin? Il nous faut enfin citer Roger Falk, autre personnage important de cette histoire. Il est le chef des mercenaires français. Au sein de ces anciens des forces katangaises, son nom est synonyme de gloire, tant cet ancien d'Indochine et d'Algérie a su donner l'illusion durant des mois que Tchombé avait une armée. L'homme est rare, ses confidences aussi. Pourtant, en 1973, il se laisse convaincre pour l'émission Les Dossiers de l'écran. Parmi les invités, un ancien correspondant de l'AFP, Jean-Pierre Joulin, profite de l'occasion et du direct pour l'interroger sur le rôle des mercenaires français dans la mort de Dag Hammarskjöld. Quel intérêt est-ce que j'aurais eu à faire disparaître Dag Hammarskjöld? Il venait demander, c'était lui qui sollicitait un cessez-le-feu. On était en position de force. Non pas que nous ayons pris nos prisonniers comme des otages, mais nous savions que c'était un outil pour négocier un cessez-le-feu qui soit réel. Donc votre version est que le secrétaire général des Nations Unies de l'époque est mort par accident? Je crois que c'est par accident. S'il y a un attentat, ça ne pourrait être... Hein, vous voulez que je dise une énormité? Je vais vous la dire. Pourquoi les mercenaires l'auraient-ils exécuté? Nous n'avions pas les moyens. Le fuga magistère dont on a tellement parlé n'avait pas le rayon d'action nécessaire pour aller à Kitwe. Et à plus forte raison, de nuit. Vous alliez dire que je vais vous dire une énormité. Oui. Alors, si jamais il y a eu attentat, ne venant pas du côté Katangais, je vous en donne ma parole, il n'y avait aucun intérêt pour nous à le faire. Qui pouvait avoir intérêt à ce que le secrétaire qui venait à Canossa disparaisse? Vous me posez la question? Je vous pose la question. Dès qu'il est prouvé que les mercenaires et le Katanga n'avaient aucun bénéfice à tirer de la disparition de Hammarskjöld. C'est-à-dire que vous sous-entendez que ce seraient des fonctionnaires des Nations Unies ou des gens des Nations Unies qui auraient pu avoir intérêt à se débarrasser du secrétaire général? Ah non, intéressant. Pourtant, un second avion était bien là. En plus des témoins au sol, de nouvelles preuves ont émergé avec le temps. En 1993, alors que la Suède relance l'enquête autour de ce drame, un ancien analyste de la National Security Agency, la NSA, un certain Charles Southall, décide de parler aux enquêteurs suédois. Le 17 septembre 1961, il est officier de marine dans une station d'écoute en Méditerranée, à Nicosie, Chypre. Certes, il est à 4600 km de Vendola, mais il est sur la même longitude. Ce soir-là, l'un de ces hommes enregistre la conversation étonnante d'un pilote en mission à un vol de nuit. À ses complices, il aurait dit « Je vois un avion de transport qui arrive en bas. Ses lumières sont allumées. Je descends pour faire une passe sur lui. » Oui, c'est le DC-6 de Transair. C'est l'avion. Selon les souvenirs de Charles Southall, la voix du pilote était calme, professionnelle. Et puis il a entendu des bruits de mitrailleuse. Et le pilote aurait dit « Je l'ai touché, il s'est écrasé. » Alors, Monsieur H a-t-il été assassiné? L'avion à sa poursuite avait-il mission de le tuer ou juste d'éviter son atterrissage à Ndola? Il est fort probable qu'un enregistrement du dialogue évoqué par l'analyste de la NSA existe dans les archives américaines. Pour l'heure, les États-Unis n'ont déclassifié ni ces enregistrements ni les transcriptions des communications avec le cockpit durant les minutes qui précèdent le crash. Alors, on se pose toujours beaucoup de questions sur cet épisode sombre et mystérieux. Roger Bracco est l'un des derniers survivants des mercenaires du Katanga. A-t-il tout dit des faits de ses frères d'armes? C'est il qui a tué Monsieur H. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. Short head, yellow belly, son of tricky dickies. atmosphère sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort mystérieuse de Dag Hammarskjöld avec notre invité Morin Picard. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes en direct de l'ONU, des locaux de l'ONU à New York. Merci d'être avec nous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste et auteur de l'ouvrage intitulé « Ils ont tué Monsieur H » publié au Seuil. Nous reviendrons sur ce titre plus tard parce qu'il y a mystère et dans le titre il y a affirmation. Bon, tout d'abord, comment êtes-vous venu à travailler sur cette affaire vieille de presque 60 ans? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille d'abord et l'intérêt de cette histoire? Enfin, on le voit avec le récit, elle est passionnante. Oui, tout a commencé en août 2016, quand le secrétaire général de l'ONU à l'époque, Ban Ki-moon, dans la torpeur de l'été, a décidé de rouvrir l'enquête. C'était un petit peu à la surprise générale, puisque 55 ans s'étaient écoulés. Et comme beaucoup d'anciens étudiants en relations internationales, j'avais un vague souvenir de mes études que, oui, le patron de l'ONU s'était écrasé dans un crash aérien en 1961 au Congo. Et j'ai alors compris, en ma qualité de correspondant à l'ONU à New York, que ce n'était peut-être pas un accident, et c'était d'autant plus intriguant que l'ONU avait laissé passer un demi-siècle pour décider de rouvrir ce vieux dossier. Alors, effectivement, il est vieux le dossier, puisqu'il remonte à 1961. D'abord, pourquoi M. H, on l'appelle comme ça aussi, est-il parti de New York pour le Congo le 12 septembre 1961 ? Quels étaient les enjeux et quels étaient ses objectifs ? Ce devait être une mission triomphale. Hammarskjöld partait au Congo, en théorie, comme il l'espérait, pour annoncer le retrait des casques bleus après une mission couronnée de succès, on va dire à 90%. Le Congo était essentiellement pacifié un an après son indépendance et les émeutes initiales qui avaient suivi cette indépendance. Il y avait toujours le problème du Katanga, mais Hammarskjöld avait promis qu'il allait retirer les 16 000 casques bleus qu'il avait fait partir là-bas pendant l'été 1960. Il ne restait plus qu'à faire une grande cérémonie officielle avec tous les dignitaires congolais à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Et puis, pendant qu'il est en vol au-dessus de l'Atlantique, entre New York et Léopoldville, donc, eh bien, ses subordonnés au Katanga, l'Irlandais Conor Cruz O'Brien, décide de lancer une opération militaire mal préparée, avec des soldats mal entraînés, qui n'ont absolument pas prévu, qui vont se retrouver face à face avec une bande de mercenaires occidentaux déterminés à défendre ce régime sécessionniste. Et en quelques heures, l'affaire vire au désastre militaire. Les casques bleus sont cloués au sol avec des pertes. Ils sont engagés dans des combats de rue. On pense qu'Elisabethville va devenir un petit Stalingrad au cœur de l'Afrique. Et Dag Hammarskjöld découvre cette situation catastrophique à son atterrissage à Léopoldville. Et en l'espace de quelques minutes, ce qui devait être une mission triomphale de fermeture d'une mission de maintien de la paix, devient une mission sauf qui peut. Il faut rétablir la paix, il faut cesser les hostilités, il faut retrouver le président du Katanga en fuite, Moïse Tshombe. Donc, les forces de l'ONU, les casques bleus, on l'appelle force d'interposition, parfois en tout cas dans l'époque moderne. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des exactions de la part des casques bleus? Oui, c'était la vraie, et cela explique la grande hostilité, notamment des anciens colons belges, encore aujourd'hui, quand on en parle avec eux, les derniers survivants de cette époque. Le maintien de la paix est un concept assez mouvant et assez embryonnaire en 1960-61. Des pays ont accepté de donner un coup de main au secrétaire général de l'ONU. Il y a la Tunisie, l'Irlande. Ces gens-là ne sont pas des combattants expérimentés, et en plus, ils n'ont aucune notion de ce maintien de la paix, qui consiste à ne tirer, à ne n'ouvrir le feu sur des agresseurs qu'en cas de légitime défense. Oui. Et il y a aussi l'Inde qui a envoyé des soldats, et les soldats indiens, par contre, sont des combattants aguerris. Eux non plus n'ont aucune notion du maintien de la paix, et quand les combats commencent dans Elisabethville et qu'ils commencent à perdre des hommes, eh bien, ils se livrent à des exactions, ils exécutent des prisonniers, ils les passe par la baïonnette devant témoins, et une immense hostilité contre l'ONU commence à naître au Katanga. Ah oui. Alors, on arrive à cette rencontre fatale avec Tshombe. Durant son trajet entre Léopoldville et Ndola, je crois que l'avion de Monsieur H n'a aucun soutien aérien, ce qui paraît étonnant quand même. Oui, les collaborateurs de Dagmar Scholl à Léopoldville, juste avant le décollage pour cette mission de la dernière chance, ont essayé de convaincre le patron de l'ONU de ne pas décoller sans escorte, ont essayé de lui faire comprendre que le danger était maximum. Et Dagmar Scholl, on peut se demander si c'est de la naïveté ou une forme de messianisme, leur répond qu'ils n'oseront pas s'attaquer au secrétaire général de l'ONU. Il y aurait pu y avoir une escorte de chasse, elle aurait pu venir d'Éthiopie, puisque l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, avait proposé d'envoyer des avions de chasse pour aider le secrétaire général dans sa mission, mais ces avions doivent transiter par des pays du Commonwealth britannique, l'Ouganda notamment, pour faire escale, et Londres donne une fin de non-recevoir à l'ONU en disant qu'elle ne laissera pas passer ces avions de chasse de peur d'une escalade, d'un engrenage fatal avec des combats aériens au-dessus du Katanga. Et Dagmar Scholl, le dimanche 17 septembre 1961, décide de décoller sans les F-86 éthiopiens qui auraient dû protéger son avion. Et pourquoi la rencontre a-t-elle lieu à Ndola, en Rhodésie du Nord ? C'est une. Les Anglais disent depuis 1961 que c'est une proposition qui a été faite par Hammarskjöld lui-même. Il fallait trouver un aérodrome dans la région, au cœur de l'Afrique centrale, qui puisse accueillir un quadrimoteur avec une longueur de piste suffisante. Et il n'y a pas beaucoup d'aéroports dans la région qui, évidemment, offrent ces spécificités. Maintenant, parler de territoire neutre est un peu problématique, puisque le Royaume-Uni, qui est un petit peu le protecteur de la dominion de Rhodésie du Nord, est très hostile à l'ONU et à Dagmar Scholl, et les Rhodésiens en particulier soutiennent l'indépendance katangaise, leurs voisins katangais. Ils voient Léopoldville et le nouveau pouvoir congolais comme des communistes, et in extenso, ils voient le secrétaire général comme un traître à la cause blanche, un vendu à la cause communiste, et il y a une relative hostilité évidemment à sa venue dans la région. Alors, donc, ce 17 septembre, M. Hage doit rencontrer Tshombe. Celui-ci découvre la mort du secrétaire général de l'ONU le lendemain, lors d'une conférence de presse. C'est un journaliste qui la lui apprend. Je vous propose d'écouter la réaction de Tshombe quelques jours après, au micro du journaliste Roger Louis, de la mythique émission française, 5 colonnes à la une. Pour moi, pour commencer, les forces de l'ONU, ce sont les forces d'agression. Ensuite, le rôle joué ici par l'ONU, c'est un rôle du néocolonialiste. Et quand vous dites ça, vous le pensez sincèrement ? Certainement. Quand vous avez appris la mort de M. Marshall, qu'est-ce que vous avez pensé ? Évidemment, quand j'ai appris la mort de M. Marshall, moi je l'ai regretté, parce que cet homme venait justement me rencontrer. Et je croyais qu'avec lui, il y avait peut-être moyen de trouver une solution. N'est-ce pas ? Dans la crise, surtout dans l'agression de l'ONU, parce qu'il était responsable, lui, M. Marshall. Je peux vous dire que la crise congolaise pourrait durer des années. Vous croyez qu'elle durera des années ? Certainement que oui. Qui était ce Tshombe ? C'était un homme politique congolais, issu d'une tribu dominante de cette province du Katanga, au sud-est du pays. Et il était un petit peu l'homme lige des intérêts occidentaux dans cette riche province au sous-sol, très très riche en manganèse, en uranium, en cuivre aussi. Et 70% du budget de son petit gouvernement séparatiste était financé par une entreprise anglo-belge, l'Union Minière du Haut-Katanga, l'UMHK, surnom l'Union Minière. Et Tshombe avait un surnom assez terrible, dont l'appelait Monsieur Tiroir-Caisse. Oui, c'est clair. Quel était le rôle de la Belgique ? Quel rôle a joué la Belgique durant ce conflit ? La Belgique a abandonné précipitamment son immense colonie en juillet 1960, lorsque les premiers troubles ont éclaté. Mais elle a maintenu une empreinte assez forte dans cette province du Katanga, parce que les intérêts industriels sont énormes. C'est un tiers de la production mondiale du cuivre, c'est l'uranium de Hiroshima, c'est le manganèse aussi qui commence à être de plus en plus important. Et puis, même si l'empreinte militaire n'est plus très importante, eh bien, il a été question d'armer ce petit état sécessionniste, et de montrer au monde, aux yeux du monde extérieur, qu'il reste un oasis de stabilité au cœur du chaudron congolais, que le Katanga, avec le Katanga, le communisme international ne passera pas, que l'œil de Moscou ne parviendra pas jusqu'à Elisabethville, et que donc les intérêts industriels occidentaux sont sains et saufs, et qu'on peut compter sur les petits Katangais qui se font passer pour des combattants épris de liberté, un peu comme les Freedom Fighters de Budapest 5 ans auparavant. Bon, on a bien compris qu'effectivement, ces conflits, dans ces conflits locaux, les puissances occidentales soulèvent des fils, enfin manœuvrent. C'est évidemment le continent sur lequel des puissances occidentales colonisatrices et voraces se battent entre elles. Et on va évoquer la France, évidemment. La France encore coloniale, puisqu'on est en 1961. Alors comment ces mercenaires français se sont-ils retrouvés au Katanga et pour y faire quoi ? C'est vraiment un volet très trouble de la politique étrangère française des années de Gaulle. Officiellement, la France soutient l'action de l'ONU, soutient le Congo indépendant, soutient la réunification du pays et s'oppose donc, toujours théoriquement, à l'association du Katanga. Le seul problème, c'est que les Français lorgnent sur une part du gâteau belge, puisque les Belges sont partis précipitamment du reste du pays. Il y a les diamants du Kassai, il y a le manganèse, le cuivre, l'uranium du Katanga. Et si jamais les Belges venaient à lâcher prise, à abandonner un petit peu leur empreinte sur cette province, eh bien la France pourrait pourquoi pas se substituer. Il y a même une clause dans le Congrès de Berlin en 1885 qui stipule que la puissance française peut proposer de reprendre la main au cas où la puissance belge abandonnerait ses prétentions au Congo. Donc il y a une prétention diplomatique, historique, dont va jouer le Premier ministre Debré, et De Gaulle laisse faire. On appelle ça la théorie du feu Orange, et Debré, avec son ministre de la Défense, Pierre Messmer, que vous avez cité, décide d'envoyer plus ou moins confidentiellement une bande de soldats d'élite, des soldats très aguerris. On les appelle peut-être à tort des mercenaires, puisqu'on sait aujourd'hui qu'ils étaient en mission spéciale, en mission commandée pour le SDEC, les ancêtres des actuels services secrets français, et il y a à leur tête, à l'origine, un colonel spécialiste de la contre-insurrection en Indochine et en Algérie, le colonel Roger Trinquier, et son adjoint Roger Faulk, un légionnaire qu'on a cité aussi. Juste avant le putsch, juste à temps. Alors l'ombre des mercenaires surgit dans votre ouvrage à plusieurs endroits. Évoquons cet événement-là, le 6 septembre, Elisabethville, au Katanga, donc une femme nommée Thérèse Airfield se réfugie à l'ONU. Alors son compagnon l'a frappée, il a menacé de la tuer, et ce compagnon est un mercenaire français. Qu'apprend-elle aux diplomates de l'ONU dans son témoignage ? Eh bien, c'est un petit peu un élément accablant. Tout d'un coup, les gens de l'ONU voient arriver cette femme au visage tuméfié, qui leur dit que son petit ami, un mercenaire français du nom de La Simone, a essayé de la tuer. Et elle a entendu des propos troublants sur l'existence d'une liste noire de dirigeants de l'ONU à abattre. Les mercenaires français dirigés par Roger Faulk auraient décidé de faire un carton, entre guillemets, sur ces dirigeants de l'ONU qui essayent un petit peu de faire tomber la sécession katangaise. Et sont cités plusieurs adjoints de Dag Hammarskjöld. Et évidemment, cette nouvelle va provoquer l'intervention des casques bleus quelques jours plus tard pour essayer de mettre fin à la sécession katangaise. Le risque étant considéré maximal pour tous les représentants de l'ONU au Congo. Il y a de quoi, pour le coup. On a entendu les souvenirs de l'ancien mercenaire Roger Bracco durant le récit. C'est quelqu'un que vous avez vous-même rencontré, nous y reviendrons. On va d'abord écouter sa théorie sur la mort de Monsieur H. C'est un extrait de l'émission Les Dossiers Noirs, diffusée en 1976 sur France 3. Les conclusions du procès-verbal établi par une commission d'enquête suédoise, par une commission d'enquête des Nations Unies et d'une commission d'enquête rhodésienne, c'est absolument certain. Il s'agit d'un accident et probablement d'une erreur de pilotage. Il existe au Congo deux aérodromes qui portent un nom très voisin. Ndolo à Léopoldville et Ndola qui se trouve en Rhodésie où devait atterrir Hammarskjöld. Ndolo était presque au niveau de la mer et Ndola s'est trouvé à plus de 1200 mètres. Si le pilote a fait son approche sur la carte de Ndolo, il s'est retrouvé automatiquement 3000 pieds trop bas. Alors, qu'en pensez ? Morin Picard. Eh bien, c'est tout simplement impossible, puisque les axes d'approche du petit aérodrome d'aéroport de Ndolo, qui est juste à côté de l'ancienne capitale congolaise, Léopoldville, les axes d'approche sont contraires à ceux de Ndola, en Rhodésie du Nord. Or, Per Alonquist, le commandant de bord de cet avion suédois qui emmène Dag Hammarskjöld, est un navigateur expérimenté, c'est même le formateur en navigation pour toute la compagnie suédoise Transair. Il a l'expérience de l'Afrique, alors que ses détracteurs diront par la suite qu'il n'avait aucune expérience, ce qui est totalement faux. Il volait depuis 10 ans sur l'Afrique. Il n'a pas pu se tromper. Et la deuxième raison, c'est que Ndolo serait apparu sur ce petit dossier, vous savez, que les pilotes emportaient dans le cockpit avec eux au moment de préparer leur approche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand une approche est en cours, eh bien les pilotes retirent la feuille de l'aérodrome concerné et la clipsent au-dessus de leur tête sur la partie supérieure du cockpit. Et donc on a évidemment pas retrouvé cette feuille volante qui a dû être détruite dans le crash, mais par contre on a retrouvé le dossier avec la feuille de Ndolo en évidence. C'est logique, puisque en ordre alphabétique vous avez Ndolo qui vient après Ndola. Alors maintenant, sur la thèse du second avion, est-ce qu'on est certain maintenant qu'un second avion était présent lors du crash de celui de M. H ? Oui, puisque une demi-douzaine de témoins maintenant sont ont confirmé. La plupart sont décédés. Il n'en reste que 2 ou 3 de vivants. Qu'un deuxième appareil est arrivé dans le ciel. Ils ont tous, sous des angles différents, aperçu des traces lumineuses partant du petit avion vers le gros avion. Certains ont même été en mesure de décrire une explosion sur la partie gauche du gros avion, ce qui pourrait nous laisser penser que c'est le réservoir de carburant de l'aile gauche qui a explosé. En recevant ces tirs venus d'un appareil agresseur. L'Afrique du Sud, on peut en parler. Qu'avez-vous découvert au sujet du rôle de ce pays sur la mort de M. H ? On savait que le régime d'apartheid sud-africain à l'époque avait une dent contre le patron de l'ONU, qui était évidemment le défenseur des peuples récemment décolonisés, le défenseur des minorités. Il avait, lors de son dernier passage en Afrique du Sud, rencontré des opposants noirs au régime d'apartheid. Donc Dagamashold n'était pas vraiment le bienvenu en Afrique du Sud. Maintenant, le coup de théâtre se passe en 1998, lorsque, dans le cadre de la commission sur la vérité et la réconciliation, Monseigneur Desmond Tutu tout révèle que ces enquêteurs ont découvert par hasard dans les archives des services de renseignement sud-africains d'apartheid un dossier, des feuilles volantes sur une mystérieuse opération céleste qui consistait à détruire l'avion dans lequel le patron de l'ONU avait pris place en 1961 pendant ce vol fatidique. Les documents d'origine ont disparu depuis, on n'en a plus que des facsimilés. Le ministère de la justice sud-africain est incapable d'expliquer ce qui s'est passé avec ces archives et l'ONU court toujours après ces documents d'époque qui dateraient de 1961 et qui racontent par le menu comment un complot aurait été ourdi contre la Marshall. Et ces documents pourraient se trouver où ? Les archives de la NSA, du Quai d'Orsay, de l'armée ou... Le ministère de la Justice les a récupérés en 1998 Desmond Tutu les lui a confiés et ils ont été il y avait une promesse d'enquête. Cette enquête n'a jamais été menée. Le ministre de la Justice de l'époque a fini par décéder en 2006, Doula Omar, et depuis l'Afrique du Sud ne répond plus. L'enquête a repris à l'ONU ici à New York et l'Afrique du Sud fait partie avec le Royaume-Uni et d'une certaine manière aussi les États-Unis de ces États membres qui regardent ailleurs, qui tournent le dos à l'enquêteur en chef aux Nations Unies et qui refuse toute collaboration dans la déclassification des archives que tout le monde attend. Donc il ne reste qu'un second et je vous pose la dernière question en forme de conclusion et c'est le cas de le dire. Les mercenaires ont tué M. H, c'est un complot des mercenaires français contre l'ONU ? C'est votre thèse ? C'est un complot qui est né à Londres, à Bruxelles et à Pretoria, avec l'aide sur place d'une poignée de mercenaires français et sud-africains. Bien, voici ainsi parfaitement résumé la thèse soutenue dans votre livre. Morin Picard, merci infiniment de nous avoir apporté vos éclairages. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la mort mystérieuse de Monsieur H, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Patrick Henry.